Daisy Bird, c'est un groupe de musique pop-rock électro. Il est assez récent, il a à peu près 4 à 5 ans d'existence. C'est ça, Hélène, hein ? Oui, tout à fait, oui. Alors, comment est-ce que vous êtes venus tous les deux à la chanson, avant d'écouter un petit extrait du groupe ? Comment vous êtes formés, qu'on en sache un petit peu plus sur le groupe ? Oh ben, on s'est formés un peu tous, chacun de nos côtés. Moi, j'avais fait une école avec pas mal de chants, et puis je me suis dirigée là-dedans parce que ça me plaisait. Il y avait que ça que j'avais envie de faire, en fait, voilà. D'accord. Donc voilà, et ensuite on a tout le groupe qui est formé. Donc il y a le claviériste Clément, il y a Thomas le guitariste, et puis Maxence le batteur, et chacun vient de milieux différents finalement. Et donc c'est cette complicité, ces milieux, c'est ces genres différents qui ont créé ce qu'on a aujourd'hui, Lazy Bird. Exactement, tout à fait. Voilà. D'accord. Un petit mix de tout ça. Lazy Bird, pourquoi Lazy Bird ? Voilà. Alors, pourquoi Lazy Bird ? Il s'est avéré qu'il y avait une histoire, c'est-à-dire qu'on cherchait un nom, et puis on a écrit des petits noms qui nous plaisaient sur des petits papiers. On a jeté les petits papiers, et les deux plus proches, c'était Lazy et Bird. Et on s'est dit, ben, c'est bien, ça nous ressemble bien. Le côté un petit peu... Lazy, paresseux, assez de tension, et le côté Bird qui est carrément à l'opposé, qui est très vif. Et donc on s'est dit, c'est tout nous ça, c'est plein de contrastes. Et donc c'était une évidence pour vous de prendre cette consonance du mot Lazy Bird. Et alors après, est-ce que ça a été facile de pouvoir mettre les petits morceaux autour de ça ? Ça a été une évidence de dire, bah tiens, on a un nom de groupe, on va essayer quand même d'avoir les morceaux qui correspondent. Donc forcément, déjà chanter en anglais, je suppose. Bah en fait c'est ça, ça s'est fait hyper naturellement, et c'est ça qui est assez dingue. C'est que voilà, quand on... qu'on essaye de mettre dans notre musique, les ingrédients qu'on essaye de mettre, on essaye de pas mal jouer en fait sur les contrastes, puisque voilà, on sait que même toute la vie, c'est une question de compromis, de contraste. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre dans notre musique, et au final ça nous ressemble un petit peu tous. C'est ce qu'on essaye de mettre en tout cas dans notre musique, c'est ce côté on va passer d'une ambiance à une autre. Voilà, on fait de la pop électro, on essaye de mélanger justement des sonorités très électro qui sont finalement assez froides avec des sonorités très organiques, etc. Et tout ça, ben, naturellement, ça collait avec le côté lazy bird, voilà, le côté paresseux d'un oiseau qui normalement est quand même considéré comme un animal plutôt vif. Après, ça dépend quels oiseaux, mais voilà, en tout cas, l'animation 3D d'une autre qui a été publiée il y a pas très longtemps sur le dernier lyric vidéo de Wardy Dugo, n'est pas très représentative d'un oiseau vif. Mais en tout cas, voilà, c'est naturellement que ça s'est fait, ce côté contraste du lazy bird, et au final qui se retrouve pas mal dans notre musique aussi, quoi. Alors justement, vous parlez de sonorité froide, pourtant vous êtes tout l'inverse. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire passer, mais votre musique met en joie en tout cas. Et en particulier, vous venez d'en parler, votre dernier titre, hein, Where Did You Go, avec ce personnage dans votre clip, ce petit oiseau qui, voilà, qui, j'ai l'impression, vous représente complètement, et très joyeux, très, très coloré. Justement, ce personnage-là en image, en film animé, qui l'a créé ? Alors, c'est monsieur Hervé Gattner, de la CT 3D Pro. Donc c'est tout simplement un très bon ami de notre manager et ingénieur du son, Adrien Graff, à qui on fait une grande bise d'ailleurs, qu'on a rencontré avec toute l'équipe il y a quelques mois, et qui a été intéressé pour justement en chercher, nous, à ce moment-là, à commencer à mettre en place un petit peu d'animation vidéo, notamment l'animation 3D de cet oiseau. Ouais. Puisqu'à la base, c'est né en fait dans le logo. C'est né vraiment d'un logo qui parle pas mal aux gens. On a souvent des bons retours sur ce logo. Et on a dit, bon voilà, maintenant il manque le cinquième membre du groupe, c'est le Lazy Bird, il faut le faire vivre. Ouais. Et Hervé s'est fait un plaisir de le mettre en œuvre. À noter que c'est pas une simple animation vidéo, c'est carrément du motion capture. Donc en fait, c'est Hélène qui a fait une réelle performance derrière l'oiseau, en chantant les paroles. C'est pas juste une animation comme on peut avoir l'habitude de voir, etc. Ouais. C'est vraiment du motion capture, donc où Hélène était en face d'une caméra et a fait vraiment vivre l'oiseau, quoi. Non, mais ça se ressent parce que le clip est très très réussi. Where Did You Go, avec ce personnage, cet oiseau de film animation très très réussi, je le répète, ça va devenir votre hymne maintenant, tellement il vous représente, ce titre-là. Bah, en fait, on a commencé l'été dernier à la jouer un petit peu en live pour la tester, et on s'est rendu compte que les gens l'appréciaient énormément. facilement et qu'elle reste bien dans les têtes. Oui. Et donc on se dit, ben, il y a quelque chose à faire avec ce morceau-là. Et effectivement, là, c'est l'été, c'est assez summer, c'est assez frais pour ce titre-là. Mais oui, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de contraste dans notre musique. C'est qu'on a ce titre qui est assez, assez frais. Mais on a aussi d'autres titres beaucoup plus dark. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir à chaque fois les deux côtés aussi. Ce mélange. Qui nous représente, voilà, ce mélange, exactement. C'est ça, ouais, c'est un petit peu notre, notre hymne. Et puis, et puis, comme le disait Hélène, c'est toujours cette... voilà, on parle de cette histoire de contraste, c'est un petit peu ça. Où, le titre précédent, le single précédent, Better, qui était là beaucoup plus dark, avec une ambiance complètement différente. Là, l'idée, c'était de faire justement un titre avec Wardy Dugo, un titre qui nous représente aussi dans le côté fun, dans le côté joyeux. Ouais. Et puis aussi, il faut se l'avouer, ouvrir, enfin, faire un morceau qui peut s'ouvrir un peu plus au grand public pour que voilà, pour que Lazy Bird commence à se faire un petit nom. Mais Lazy Bird reste dans les esprits, reste dans les têtes. Et pour ceux qui n'ont encore jamais écouté, bah, je vous propose justement d'écouter Where Did You Go, votre titre, votre dernier titre, les Lazy Bird sur Arc-en-Ciel. This morning, Ingo verse coming right in sight. I saw this bird outside running, telling me it's my time to ride. Then I follow it in the city, asking it what's the plan. I really don't know what I'm doing, walking on the pavement in town. Sur Arc-en-Ciel, bravo les Lazy Bird. Ce titre est vraiment, enfin voilà, il rentre tout de suite. En plus, pour ceux qui révisent le bac anglais, je précise que sur le clip, il y a les paroles qui sont écrites, donc on peut réviser l'anglais en plus en même temps en apprenant par cœur votre chanson. Elle fait karaoké, puis avec ce personnage qui nous entraîne, ouais, on le retient, voilà, on le retient bien. Et cet oiseau est merveilleux. Hein, j'adore votre personnage. Super, vous avez fait un clip super, bravo. Ouais. Bon, ben, c'est super. Bravo à Hervé Gattner. Et vraiment, oui. Ah, oui, il faut le féliciter. Vraiment. Et alors, justement, quand vous serez sur scène, on va parler d'une prochaine scène qui va être très belle hein, pour vous. Du 13 au 15 juillet, il va y avoir trois scènes autour du Montjoux Festival 2017. Vous serez sur scène aux côtés de certains Claudio Capeo, soprano, qui feront des concerts aussi sur ces trois dates-là. Donc, on va en parler dans un instant. Sur scène, est-ce que justement, on va retrouver ce personnage-là, cet oiseau, sur grand écran, etc., ou non? Alors, on adorerait. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on l'a créé, mais ouais. Pour l'instant, on n'est pas encore assez gros pour ça. D'accord, enfin, d'accord. On attend que ça, donc. Ah oui, mais on imagine bien ça justement, donc c'est pour moi. Voilà. C'est à venir, non, c'est à venir. C'est vrai que cet été au Montjoux Festival, oui. On parlait tout à l'heure de Boulevard Désert, on a entendu vaguement, ils seront juste avant nous effectivement au Montjoux Festival. Mmh. Et du coup, c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir notre oiseau, mais pour le moment, c'est à venir, c'est à venir. Ça sera à venir. Donc justement, le Montjoux Festival 2017, je rappelle, c'est du 13 au 15 juillet. Vous passerez quand? Le samedi soir, le 15 à 22h. Voilà. On a eu l'immense joie d'être programmé justement entre les deux têtes d'affiche. Donc, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Vous serez programmé entre Claudio Capeo et Boulevard Désert, en fait. Boulevard Désert, exactement, à 22h, donc le 15 juillet. Et puis, du coup, c'est à la fois un honneur et à la fois une petite pression aussi de se dire qu'on va être mesuré à deux groupes qui tournent quand même beaucoup, beaucoup en France. Et c'est non seulement un super test pour nous, oui. mais en plus une satisfaction aussi de pouvoir jouer, parce qu'il faut le noter devant pas mal de proches d'Hélène aussi, puisque c'est dans sa région. Oui. Donc c'est de quel côté? Et moi j'allais au festival de Montjoux quand j'avais 15-16 ans. Ah, ouais. Toujours allé, donc c'est vrai que c'était assez grand pour moi d'être là-bas, quoi. C'est beaucoup de souvenirs et j'ai vu tellement d'artistes sur ces scènes que. Donc, cœur, c'est fort. Oui, ça doit être énorme. Être programmé le même soir et devant le public de Claudio Capeo, c'est un sacré tremplin. Oui, c'est sûr. On est super ravis. On est vraiment contents. Hein. C'est clair. Allez, moi, ce que je propose, Lazy Bird, c'est d'écouter aussi le morceau Better, parce que ça, c'est forcément, c'est emblématique de Lazy Bird. C'est vrai. Exactement. C'est emblématique pour la simple et bonne raison que je pense qu'on est un peu tous d'accord au sein de Lazy Bird. C'est un petit peu le titre quand même qui au niveau de l'identité sonore nous représente le plus dans la mesure où on a vraiment mis les ingrédients qu'on aime vraiment tous, des influences qu'on aime tous, même si c'est le cas aussi pour Where Did You Go, bien entendu, mais voilà, dans les déroulés des choses, voilà, c'est un peu le morceau qui s'inscrit comme l'identité sonore de Lazy Bird, quoi. D'accord, et bien on écoute tout de suite sur Arc-en-Ciel Lazy Bird, ce joli morceau, et on en reparle juste après. Like a robot, I'm walking point A to B. No doubt at all. I'm living my humanity. At least I'd be better for letting go. At least I'd be better and free. There's trouble in my brain. can I hold you? Baby, I can feel you. I'm dying inside. I'm perfectly sad. Baby, can I hold you? Baby, I can feel you. I'm dying inside. I'm perfectly sad. Eh bien voilà, il s'agit donc de notre groupe qu'on a derrière nous, votre téléphone, Lazy Bird, et donc ce joli morceau Bazer, un petit morceau original qui leur correspond bien, c'est de la pop, c'est ça hein, Émilie. Ouais. C'est de la pop rock, les Lazy Bird, ouais. Et puis on rappelle, ils seront sur scène, sur la scène du Montjoux Festival 2017 le 15 juillet, le même soir que Claudio Capeo, un sacré tremplin. Et puis leur dernier titre, Where Did You Go, allez le voir sur internet avec leur personnage, ce petit oiseau en film d'animation. Quand on regarde un petit peu aussi les clips vidéo, c'est quelque chose que vous avez voulu en correspondance avec la musique, un petit peu décalé. Ça, on compose une image, le clip vient avant le morceau, enfin je sais pas comment. Est-ce que vous avez composé ça? Non, en fait, tout simplement, on a un état d'esprit assez particulier au sein de l'équipe par rapport à l'image. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une compétition un petit peu qui s'est installée et qui fait intervenir des moyens assez colossaux pour justement réaliser des clips, etc. Et nous, ce qu'on essaye de se mettre comme défi, c'est justement avec peu de moyens, comme en reflète Better, puisque c'est juste l'interprétation d'Hélène sur un fond noir et quelques post-productions vidéo. On essaye avec des choses simples de coller le plus au message qu'on a voulu passer et à l'ambiance du morceau qu'on a voulu créer, qu'on a voulu donner. Et on a cet état d'esprit pour la simple bonne raison que pour communiquer notre message de la manière la plus honnête avec notre auditeur, avec notre public, tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus sincère en fait, avec peu de choses essayer de traduire ce qu'on veut essayer de mettre. Après, il n'y a pas vraiment de sens, on se dit pas on va composer un morceau parce qu'on a telle idée de clip ou l'inverse, ça vient assez naturellement et puis en général l'un en train de l'autre quoi. La sortie de l'album, c'est pour quand? La sortie de l'album... À l'automne. A priori, ce sera à l'automne. Ouais. Voilà. On n'a pas de date exacte encore. On n'a pas encore de date exacte, puisque justement, s'il faut tout avouer, on est donc avec le Montjoux Festival sur une date charnière, en ce moment à la recherche d'un partenaire justement de live. Mmh. Et une fois qu'on aura trouvé ce partenaire de live, on décidera avec toute l'équipe de Lazy Bird, l'agence d'attaché de presse Ephélie, à qui d'ailleurs on fait un gros bisou, qui fait du super travail, et toute l'équipe qui entoure Lazy Bird pour décider justement d'une date de sortie qui sera la meilleure pour les auditeurs et pour nous bien sûr. Eh bien, vous reviendrez sur Arc-en-Ciel, nous annoncez ça alors. Avec grand plaisir. Bah, le rendez-vous est pris. Alors, est-ce que quand vous êtes en concert, est-ce qu'il y a des petites reprises? Est-ce que vous faites que des morceaux de composition originaux? Comment ça se passe la rencontre avec le public justement? Parce que quand le public vient vous voir, là vous êtes sur un festival peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Alors, est-ce que c'est difficile de rentrer tout de suite comme ça en scène ou est-ce qu'il faut des petits morceaux de reprises pour pouvoir conquérir le public? Alors sur un festival, on va jouer, vu qu'on joue pas énormément de temps, on va jouer que nos compos. D'accord. On sait qu'on a quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'on va jouer dans la région en Haute-Savoie et puis en Suisse, donc on sait qu'on a un petit public là-bas, donc on s'inquiète pas du tout pour ça. D'accord. Et quand après on joue beaucoup plus longtemps, 1h30, là oui, on reprend parfois quelques morceaux. En général, on les choisit ensemble, des morceaux qui collent un peu à notre style et qu'on aime tous les quatre à la base, et ensuite on se dit ça y est, on choisit celui-ci, on le teste et puis on le valide ensemble. Outre le 15 juillet au Montjoux Festival, vous avez d'autres dates pour cet été si les vacanciers orléanais peuvent aller vous applaudir? On va jouer en Suisse le 22 juillet au Bleuret pour un festival Les Diables en Fête. On sera aussi à Perpignan le 8 août et puis on a d'autres petites dates qui se sont, oui, à Villeneuve aussi le 28. Bon, on se rappelle pas un peu toutes les dates comme ça, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y en a d'autres petites qui vont se rajouter même au dernier moment, ça arrive toujours, donc voilà. Mais pour suivre toute la programmation que vous venez d'évoquer là, direction la page Facebook Lazy Bird, direction la page Facebook ou plutôt le site internet www.lazybird.com. Très bien. Ouais. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose parce que du coup, Radio Arc-en-Ciel, si j'ai bien compris, c'est à Orléans. Oui. Juste une petite anecdote comme ça qui peut peut-être vous intéresser, c'est que la, une grande partie de l'album a été composée à Beaugency. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui voilà, vous avait amené par ici? Voilà, ben en fait on s'est isolé via des contacts dans une petite grange aménagée en studio d'enregistrement et puis on est venu un petit peu chercher l'inspiration en bord de Loire, un peu plus loin que le bruit de Paris. L'air Loire-Étain vous a plu alors? Complètement. Et donc, eh bien là, on est en train d'écouter derrière nous donc Lazy Bird avec Dans mes rêves. C'est peut-être l'un des seuls morceaux qu'on peut retrouver en français. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des seuls effectivement. Mais Dans mes rêves, il était sur l'EP, il ne sera pas sur l'album. Il y a un autre titre qui est sur l'album et qui est déjà disponible, qui s'appelle 36 I'm Lost. Et celui-là, vous pouvez le retrouver sur Non, il n'est pas en français, mais c'est d'autres titres qu'on peut écouter actuellement. En français, on en aura un deuxième, on va dire franglais. Hein. Ce sera français et l'anglais, voilà. Et celle-là, elle sera sur l'album, mais vous ne pourrez pas l'écouter qu'à l'automne. Hein, donc, il faudra être patient d'ici là. Quoi. On rappelle votre site pour pouvoir recommander le futur album qui arrivera. Lazybird.com pour le site internet et la page Facebook, au même nom, hein, Lazybird. Lazybird, L-A-2-Z. Voilà. Lazy avec deux Z, attention, il hein, ne voilà. Faut pas les appeler ça. Eh bien, un grand merci à tous les deux, à Clément et à Hélène. Et si vous revenez à Beaugency enregistré, vous nous appelez, on est à côté. Ah oui, avec plaisir. On se voit à vol d'oiseau, 10 minutes, on est là et on se fait quelque chose ensemble. Bravo, continuez comme ça en tout cas, parce que vous diffusez super. De la bonne humeur, ça fait du bien. Eh bien, un grand merci à Clément et Hélène. Merci à bientôt. La radio 100% différente. 100% différente.